Un jour tu comprendras. Crois-tu que c'est une vie de partager le même toit qu'un verre de whisky? Elle ne te saoulera pas, cette petite eau de vie. Elle était de ses voix, gorgée de mélodie. Je te paye un dernier verre. À ta santé d'hier, promets-moi que tu l'oublies, mais d'un regard fier, tu souris et me dis que c'est bien triste un air.